Jonathan, l'histoire d'un juif qui avait un prépuce, on en écoute un extrait tout de suite. Donc moi c'est Madame Françoise, hein. Et je suis ta conseillère d'orientation. Ce qui veut dire, mon garçon, que tu peux d'ores et déjà te rassurer. Hein? Dans le sens où Madame Françoise n'est pas là pour te croquer. C'est bien, mon garçon. Bon, tu m'as l'air de tout comprendre, hein? Bon. Alors, je ne peux pas te cacher, mon garçon, qu'il y a deux ou trois éléments dans ton dossier qui ont interpellé Madame Françoise. Hein? Notamment un mot. Hein? Dans ton carnet de correspondance. À l'attention de tes pauvres parents. Hein? Bon, donc, je vais te lire ce mot. Hein? Et tu vas me donner tes impressions. Tu t'attends, mon garçon. Bon, donc, je vais lire le mot. Je vais te voir concentré. C'est bien, mon gars. Madame, ça commence bien. Vous ne pouvez ignorer plus longtemps que votre fils Julien se permet de sécher ses coups le jeudi après-midi. Et c'est depuis 94. Mais que de surcroît, ce dernier se permet d'entraîner ses petites copines avec lui. Salope. Après plusieurs questionnements infructueux de ma part, ce dernier n'a pu me fournir comme réponse seulement, et je cite, ce sont tes propres mots. Moi, madame, les filles, je ne les fais pas sécher, je les fais mouiller. Mais c'est très grave, ça, mon garçon. Tu ne peux pas dire ce genre de choses. Tu ne peux pas proférer des propos pornographiques à l'égard de tes petits camarades. Et de surcroît devant un représentant de l'autorité scolaire. Putain! Ah, je suis vraiment colère, là, mon garçon. Hein? Je vais devoir sévir. Je vais devoir t'en coller une. Ah, Madame Françoise n'accepte pas ce genre de comportement. Hein? Bon. Même si, bien sûr, je comprends parfaitement le... le sentiment que tu évoques à tes petites camarades. Hein? Ah, parce que moi-même, hein, malgré tes 4 ans et demi, je peux pas te cacher que tu me fous la goutte. Hein? Oh putain! Je suis carrément trempé depuis tout à l'heure, mon garçon. Tu sais comment on me surnommait pas dans ma jeunesse, mon garçon? La fontaine de Fort-de-France. Tout est de la même veine? Non, ça c'est le plus doux en fait, parce D'accord. que pour la radio. Mais je suis très fier de mon art. Oui. Voilà. Alors, racontez pourquoi ce titre, l'histoire d'un juif qui avait un prépuce? Ah bah parce qu'il n'y a pas plus paradoxal pour moi qu'un juif qui a un prépuce, quoi. Enfin, les gens ne me voient pas, mais j'ai une tête de juif cliché au plus haut point, mais je suis nazi dans le cœur. D'accord. Et en même temps, on ne vous voit pas non plus là où il y a le prépuce, donc on ne peut pas juger. Ah bah vous n'êtes pas, je ne sais pas si vous êtes venu voir le spectacle, mais je n'ai pas vu. Bah je laisse la surprise aux gens de me voir tout nu ou pas, peut-être, on ne sait pas. À la fois fils de Judée et fils de pute, dites-vous. Tout à fait, tout à fait. C'est pas mal, ça. Oui, fils de Judée, c'est papa, et fils de pute, et ben... Maman, je t'aime, voilà. À mi-chemin entre la Lascar créole et le parjure ricain. Tout à fait. Jonathan est un être humain souillé par la vie. C'est un organisme vivant proche de l'être humain. C'est ça. Vous vous êtes toujours senti comme ça Comme une merde, exactement. Comme une merde depuis tout petit. Et oui, depuis tout petit. Avant même 4 ans, Avant même 4 ans, oui. Ma mère me traitait de merde il y a une semaine quand je l'ai revue. C'est vrai en plus, alors que je ne l'avais pas vue depuis 2 ans. Mais je l'aime quand même, vraiment. C'est passé dur à croire. Et tu dis fils de pute, c'est normal. Ah bah c'est ça, hein, fils de pute, c'est... Fils de pute, c'est agréable à répéter, fils de pute. Mais vous avez des frères et des sœurs? J'ai deux petites sœurs, Léa et Eva, on reste dans le cliché. Oui. Et voilà, je les embrasse aussi d'ailleurs, j'en profite. J'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé, j'embrasse tout le monde, je ne sais pas. Et elles sont fières de vous, vos sœurs? Je ne sais pas, j'imagine, j'espère, j'espère, je sais pas. Elles viennent nous soumettre, elles ont vu votre soumission? Non, parce que il y a la grande qui a 10 ans et la petite qui a 4 ans et demi, donc. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vais éviter. Et ce côté enfant terrible, vous l'avez depuis toujours? Depuis que je suis enfant. Oui. Voilà. Non, mais je suis con depuis tout petit, moi. Pourquoi commencer tard, je veux dire. C'est comme ça. Les planches, c'est il y a longtemps que vous en rêviez? Ah, depuis petit, c'est mon rêve. C'est vraiment mon but ultime dans la vie, c'est de le spectacle comique. Voilà. Et c'est la première fois que vous montez sur scène ou pas du tout? Non, c'est la première fois en fait. Je me suis lancé comme ça d'un seul coup. Je ne sais pas ce qui m'a pris il y a 2 ans. Je suis allé dans des scènes ouvertes au Café de Paris, au Changeman, que les jeunes humoristes connaissent. Et puis j'ai lancé mon spectacle il y a maintenant 6 mois, en janvier. Et puis ça déchire, ça remplit bien et tout. Donc je ne sais pas par quel miracle, mais je suis ravi. Voilà. L'histoire d'un juif qui avait un prépuce tous les samedis. Mais c'est à 21h30, donc le Shabbat. Après Shabbat, bien sûr. Non, on n'est pas là pour blasphémer. Café théâtre populaire du Renitas, Paris 20e, jusqu'à dans très très très longtemps. Jusqu'à fin juin, peut-être cet été, je jouerai 2-3 fois par semaine, je ne sais pas. Voilà. Je fais de la pub d'ailleurs au théâtre populaire. D'ailleurs, je peux faire un peu de pub, ça ne dérange pas. Il y a aussi le vendredi soir à 21h30 un spectacle qui déchire, ça s'appelle La Boucle, c'est de Clara Gasnaud, il faut y aller aussi parce que c'est incroyable. Voilà. Quel bon camarade. Allez, une respiration et je rejoins mes propres camarades Constance. Merci beaucoup. Et Anne après. 21h, 22h30, rendez-vous à l'hôtel.